Et VGBM 31, on continue avec la suite, avec la critique des films Ocean 8, Hérédité et Désobéissance. Et on va commencer par Ocean 8. Déjà, autour de la table, qui l'a vu ? Moi. Guillaume, moi et personne d'autre. Personne d'autre. Donc on est que deux à avoir vu ce film. Tu l'as pas vu, frère ? Non, je ne l'ai pas vu. Ah, ok. Okay. Estelle l'a vu ? Je sais pas. Autant je dire, je crois qu'elle l'a vu, ouais, elle avait plutôt aimé, je crois. Ouais. Donc Ocean 8, donc le quatrième épisode, on va dire, de cette saga, si on peut dire ça comme ça, c'est un spin-off. Ouais. Donc il y a eu Ocean 11, 12 et 13 de Steven Soderbergh. Soderbergh, merci de préciser. Et donc on a Ocean 8, tu sais de qui c'est ou pas ? Ah non, pas du tout, tu vois, mais j'ai même pas cherché à regarder, mais c'est juste vu que c'était un peu une espèce de... spin-off. De Soderbergh, je trouvais. Et c'est dans le plot de Soderbergh. Mais je n'ai pas son nom. Mais oui, parce que la production, c'est toujours les mêmes. Hein. Je crois que c'est Clooney. Ouais. Et... ouais, mais Spielberg, oui, c'est le produit. Non, c'est Kubrick, et pourtant, oui, bon. Voilà. Il produit le. Ouais, oui, parce qu'à l'époque, Clooney et Soderbergh étaient très proches. Ils ont fait beaucoup de films ensemble. Et ils ont créé une boîte de prod. Ouais. Et ils ont beaucoup produit, donc Ocean Eleven, etc. Ils ont touché, en fait, que sur le premier Ocean Eleven, ils ont touché que une fois la sortie du film, en fait. Ils n'ont rien touché au début. Okay. Mais oui, parce que en fait c'est impossible de réunir tout ce casting en fait, sinon tu vas te ruiner. C'est vrai. Et comme c'était des petites productions, ils ont demandé à leurs amis, parce que c'est que des amis entre guillemets, à tous ces acteurs de participer. Donc là je crois qu'ils ont fait un petit peu le même concept. Donc on a c'est de Gary Ross. Voilà. D'accord. Donc c'est avec Sandra Bullock, Kate Blanchett, Rihanna et puis plein d'autres actrices. Aquafina. Ouais. Je te dis toute la meuf de American Horror Story, j'ai oublié son nom. Sarah Paulson. Anna Taway, Mindy Kaling, que je connais pas, James Corden aussi, qui est génial dedans, je trouve. Elena Bonham Carter et Rihanna. C'était qui James Corden ? C'est lui qui ressemble à Winnie l'inspecteur. Il est génial. L'inspecteur est génial. Vraiment bien. Donc le concept, c'est toujours le même, hein. C'est une bande de filles, entre guillemets, qui vont faire un casse, autant qu'on se dise. Et c'est un casse de bijoux, on peut le dire. Ouais, et ça commence exactement comme le premier Ocean Eleven, donc par Sandra Bullock maquillée comme jamais. jamais vu quelqu'un sortir de prison aussi maquillée. Qui est la sœur de George Clooney. Qui est la sœur de George Clooney, ouais. Qui est George Clooney qui est censé être mort, mais on ne sait pas exactement. Bah bon, il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté, je pense qu'il joue vachement là-dessus. Ouais, donc qui sort de prison et qui forcément décide de retrouver ses mauvaises habitudes. Donc une histoire basique. Et j'ai envie de te dire, est-ce que tu as apprécié ce film, Guillaume ? Oui, plutôt, ouais. Je trouvais que c'était un bon divertissement et je suis pas du genre à aimer ce genre de film un peu remake, spin-off et tout ça, mais celui-là, je l'ai trouvé plutôt bon. Il y a de gros défauts. Moi j'adore Ocean Eleven, mais notamment la réalisation, et là la réalisation était vraiment classique. Moi j'ai trouvé vraiment elle était au chou, quoi. Genre le truc était t'es dur là, je te trouve. C'était faussement copié la réalisation des films de Heist, tu vois. Tu vois les avec des cuts des cuts avec les plans qui se superposent et tout ça, et c'était moi j'ai trouvé ça super mal fait. Parfois ça faisait même Windows Movie Maker setup de base, vraiment tu sais, vraiment la vignette qui se met à tourner sur elle-même pour faire une transition. Moi, je te trouve quand même très difficile, parce que franchement, honnêtement, si tu regardes Ocean 12 et 13, c'est pas non plus des chefs-d'œuvre. Et même la réalisation, par rapport à l'Eleven, ça n'a rien à voir. Je trouve que, franchement, Soderbergh, qui est un grand réalisateur, et ça, je peux pas dire le contraire, il n'a pas fait que des chefs-d'œuvre. Et pour moi, 12 et 13, après, chacun a un avis, chacun a son avis, mais c'est pas des bijoux non plus. Et là où tu dis où. C'est vrai que t'as raison, c'est pas la plus grande réalisation pour ce film-là, mais je trouve quand même c'est de qualité. Et moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est quelques actrices dedans, et surtout Kate Blanchett. Parce que souvent, Kate Blanchett, pour moi, ça passe ou ça casse. Indiana Jones 4, ça passait pas du tout. J'ai pleuré. Les bons exemples aussi. Non, mais Benjamin Button non plus, elle était pas là. Elle est quand même très bien. Moi, je trouvais quand même plutôt bonne. Jasmine, elle est magnifique. Ouais. Elle est même incroyable. Elle est dingue, Carole, elle est à côté. Bah pour moi, mais après c'est personnel. Et Rihanna Battleship. Donc voilà, donc ça passe. Et ça... Song to Song aussi, hein, de Terrence Malick. Mais moi, ce qui m'intéresse avec le personnage de Kate Blanchett, c'est le côté un peu fille. Garçon manqué, parce que c'est un peu son personnage. Ouais, c'est super. Il y a même une ambiguïté sur sa sexualité, on ne sait pas trop en fait. Donc c'est intéressant parce qu'il y a ce personnage homme-femme, et comme c'est une bande de femmes, elle apporte le côté masculin qui manque à la saga, entre guillemets, par rapport à cet épisode. Moi j'ai eu un problème, et en fait c'est à la fois un défaut, une qualité. J'ai trouvé qu'il n'y avait aucune actrice qui était au-dessus du lot, en fait. J'en ai trouvé aucune au-dessus du lot. Et c'est vraiment genre. Excuse-moi, genre Kate Blanchett. Non, elle est pareil que Rihanna. Genre, elles sont toutes très bonnes, mais il y en a pas. Le duo Brad Pitt George Clooney, ouais. Il marchait du tonnerre. Matt Damon aussi. Oui. Le trio. Je déteste Matt Damon. Mais il joue le novice, c'est ça qui est génial. Non, ouais, bien sûr. Mais je trouvais que le duo Brad Pitt et Clooney fonctionnait très bien. Là où le duo Bullock Blanchett, il fait pas non plus des vagues, quoi. Parce qu'on connaît pas assez dans l'histoire du passé, en fait. Exactement. Par rapport aux deux personnages, je trouve qu'elles se disent copines. Bon, il y a des petits flashbacks, autant qu'on se le dise. Et ouais, puis, mais tu le vois pas dans le on sent pas le lien. On sent pas un lien très fort. Ouais. Ouais, c'est pas assez fort, entre guillemets. Alors que c'est vrai que Clooney et Brad Pitt ont Clooney et Brad Pitt, ça faisait un peu une relation féodo-vassalique, quoi. Le mec qui lui apprenait les ficelles du métier, un peu. Enfin, voilà, qui était tout un escroc un peu plus gros que l'autre. Et donc, c'était un peu marrant. Ça faisait un petit échange comme ça. Ah, c'est sérieux, on va faire ça. Ouais, on va le faire et tout. Tu vois, ouais, moi, c'est ça que j'ai aimé dans le truc. Là, ouais, et puis le mec un peu passif, quoi. Brad Pitt, c'était le mec qui était tout le temps en train de bouffer à chaque plan. Ouais, voilà, c'est ça. Qui était là, genre. Là, il était pour l'oseille et voilà, mais au final, ouais. Et est-ce qu'il y a ça dans le. Il n'y a pas ça entre ce moment-là? Moi, je ne l'ai pas trouvé en tout cas. Je ne sais pas pour toi, Jérémy. Moi, j'ai pas. Bah, moi, je trouve que ce qui était sympa, s'il y a une mécanique dans Ocean Eleven, c'est qu'il t'a, comme tu dis, les stars, entre guillemets, les gros acteurs. En fait, tu as les premiers rôles, les seconds rôles et les troisièmes. On peut le troisième rôle. Et Pam Casaflec, à l'époque, c'était le troisième rôle. On voyait 2 minutes dans Ocean 14. Et t'es là, et t'es un peu frustré. Et en fait, ils ont utilisé la même mécanique qui, en fait, fonctionne parce que Rihanna, on la voit très peu. C'est très bien. Mais quand elle arrive en robe de soirée, j'ai envie de te dire. Elle a plus de charisme que toutes les autres. Mais c'est vrai, en plus. Ouais. En non, mais je suis d'accord. Parce qu'elle est nulle pendant tout le film. Enfin, elle est pas nulle, mais il lui donne pas de. C'est pas un Il lui donne pas de ligne. Donc, du coup, tu sais que. C'était exprès, de toute façon. Voilà, tu sens qu'il voulait pas se saboter. Et mais c'est vrai que dès lors qu'elle doit juste être belle, elle arrive à avoir un peu. Il y a une surprise aussi dans le film, c'est Helena Bonham Carter. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, c'est pas le plus grand rôle du film, mais elle est quasi présente pendant tout le film. En fait, c'est elle qui fait le film, c'est elle qui. Ah ouais. Mais pour moi, c'est le personnage le plus important de cette bande, en fait, entre guillemets. Même si les rôles principaux, c'est Bullock et Kate Blanchett et Anna Tawai, parce que. Anna Tawai. Après, il y a un twist. On va pas spoiler, mais il est un peu gênant. Moi, le twist à la fin avec Anna Tawai, tu fais non, mais moi. Bah, tu t'y attendais de toute façon, parce que c'est juste le seul truc qui m'a fait rire, c'est que genre juste putain, mais en fait, on n'a pas pensé à compter. C'était juste ça en fait. Juste à la fin, je me suis dit, ah ouais, on n'a pas compté. Bah, personnellement, ça, j'ai compté et j'ai remarqué ça et je savais ce qui allait se passer. Et la surprise, moi, du film, dans le casting, c'est James Corden. Alors déjà, je savais même pas qu'il allait jouer dedans. Et il joue un inspecteur qui british, est génial. Il est très drôle. Ouais. Je pense qu'il est un des personnages, il faut qu'il revienne un peu dans. Alors là, le setting là, du film, ça se passe où? Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est ça le problème. Parce que c'était ça le problème. Le 11, Las Vegas, c'était intestable. Mais en fait, je pense que c'était plus important justement pour créer un setup différent des autres films et de pas revenir sur le côté genre. Et le New York est filmé comment? Tu le vois presque. Génériquement, c'est les palaces et les musées, c'est tout. D'accord, ok. Non, en fait, niveau scénario, moi j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Bon, alors les triples twists où t'as trois surprises qui viennent au fur et à mesure, c'est pas extraordinaire. Le film, vraiment, j'ai l'impression c'est un film Netflix. Tu sais, c'est le. Vrai, ouais, non, mais c'est vrai. Même au niveau de la tête des affiches, c'est les bandes rouges de Netflix. Oui, c'est vrai en plus. Mm. Mais c'est ça, c'est-à-dire que Netflix, quand ils font un film, alors je parle pas des gros films qui rachètent, et par exemple Annihilation, c'est ça le. Ouais, mais ouais. Ça, c'était un film qui devait sortir, donc bon, c'est pas la même chose. Mais c'est vrai qu'ils font des films de qualité, mais ils vont pas prendre des risques. À part pour Okja. Okja, ouais. Oui, mais c'est vrai que si on doit ramener par exemple au vocabulaire du jeu vidéo, c'est des double A et pas du tout des triple A, tu vois. C'est vraiment des. Là, tu m'as perdu. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas des énormes. C'est pas des gros budgets, mais c'est des films moyens. Quoi. Ouais, mais en même temps, t'as des chefs-d'œuvre avec des petits budgets. Non, mais bien sûr. Non, mais évidemment, c'est pas du tout un truc de qualité. C'est vrai, c'est avec un gros budget, tu faisais forcément un chef-d'œuvre. C'est sûr. Mais sinon, toi, est-ce que ça t'a dérangé donc le scénario un peu basique? Bah non, parce que tu vas voir Ocean Eleven, donc forcément. Moi, ça m'a pas du tout choqué parce que c'est un Ocean, il y a rien de. Il y a rien qui ressemble plus à Ocean qu'un autre Ocean, tu vois. Et est-ce que tu as remarqué aussi, il n'y a pas le propos girl power aussi? Un tout petit peu, mais c'est très discret et c'est pas genre on fait un film de femme. C'est il y a des femmes. Il y a quand même une revanche à prendre sur un connard. Il y a ce truc là aussi. Hein. Ouais, mais moi c'est pas ce qui m'a dérangé parce qu'au final Ocean Eleven c'est aussi sur un entre guillemets un connard, mais c'est sur pas Al Pacino, mais l'autre, Andy Garcia. Andy Garcia. Andy Garcia ouais. Donc lui aussi, bah, tu vois, c'est et pas Al parce Pacino que c'est un homme, moi je pense que c'est pas ça qui m'a plus dérangé. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'était pas un film genre Balance ton porc, où on fait plein de références sur les mecs qui profitent des femmes, etc. Non, c'est subtil, il y a 2-3 références quand même, parce qu'ils étaient obligés. Mais là, oui, non, mais c'est justement ce que je te disais, c'est juste ça pouvait être interprété comme tel, mais pour moi, ça l'était pas, c'était juste un escroc qui escroquait un autre escroc, quoi. Après, j'ai envie de faire un truc, bon, j'ai envie de te poser une question tabou, mais vraiment, c'est pas une... Attends, il y a un, y a un côté qui... Non mais quota aussi. Je suis désolé mais oui, il y a une femme asiatique, une femme de couleur. Oui oui, c'est une femme personnalité, donc on peut mettre côté un peu homosexualité. Il y a une femme voilà hétéro et tu vois, donc il y a chaque femme pour un quota. Bah, aux États-Unis, c'est les tokens, hein, c'est ça, faut mettre ouais, ça m'a dérangé. Au contraire, je me dis c'est génial la diversité et tout ça, voilà. Mais on sentait qu'ils étaient un peu obligés de faire ça. Et ça m'a un peu dérangé. Mais c'est un film un peu familial aussi, non? Si, a... Pour moi, c'est pas un film familial. Bah, non, moi, il y a ce truc que j'aime dans tous les Ocean. En fait. Ouais, mais il y a un truc que j'aime trop dans les Ocean, c'est il y a zéro coup de feu, il y a zéro violence. Et c'est ça qui est génial. Moi, c'est Ocean 11, c'est pour ça que j'adore ce film. On voit aucun sein et tout. Enfin, je veux dire, il y a pas de. Non, il y a pas de sexualité. Donc ouais, bah donc c'est clean. Tu peux emmener ta gosse, elle peut s'imaginer braqueuse. Ça, c'est marrant, tu vois. T'emmènes ta fille. Moi, je t'avoue que je l'ai pas senti le côté token. Je trouvais que chaque personnage avait plutôt. Ils sont bien utilisés. Sauf Rihanna qui est un peu voilà le côté je fume de la ganja et j'ai des dreadlocks. Bon, c'était un peu vite fait quoi. Mais le reste, je trouvais que ça allait quoi. J'ai pas, ils étaient plutôt bien introduits assez rapidement comme tous les personnages, mais ça m'a pas choqué personnellement. Mais celle quand même qui est le plus utilisée, c'est Cate Blanchett, parce que quand elle vend des kebabs par exemple dans le film, ça c'est marrant. Moi je trouvais, bah, c'est pas non plus hilarant, mais je trouvais ça vraiment second degré. Il y a vraiment elle joue de leur image. Donc c'est ça qui m'a plu aussi. Je sais pas toi aussi. Bah, c'est ce qu'ils ont toujours fait, même dans les autres Ocean, de jouer de leur image. Elle est sexy quand elle vend des kebabs, c'est clair. Même quand elle vend des kebabs, elle est sexy, c'est clair que tu peux le résumer comme ça. Est-ce que tu veux conclure un petit peu sur le film, peut-être un truc un bon film, moi, de qualité. Dans la droite lignée des précédents. Franchement, j'ai pas été déçu. La réal n'est pas ouf, mais des bonnes actrices et une bonne bande, quoi. Ouais, voilà, ouais, ça marche bien. Et je serais pas contre un autre. Ah, donc tu iras voir Ocean 9. Ouais. Qui tu as ajouté en plus de ce casting? Ah, bonne question. Ouais. J'aime bien Olivia Wilde et Olivia Nunn. Ouais. Rajoute Colin, c'est pas le gamin. Très intéressant. Enfin, Nicole, moi je pense que c'est Nicole qui Meryl Streep ou un truc comme voilà. Une ancienne. Ou la bande de Michel Yalice, tu vois. Emma Watson. À l'époque, c'était qui? Il y avait Al Pacino, il y avait Andy Garcia qu'ils avaient rajouté. Vincent Cassel. Ah, c'est vrai. Bah, déjà, il y avait un très beau casting. Ouais. Mais là, ils ont quand même du choix. Hein. Vivement le crossover avec les anciens. Oui, ça c'est obligé. C'est obligé. C'est-à-dire que là, s'ils font un film comme ça, je pense que ce sera un peu leur Avengers quelque part au niveau casting. Pas du tout même. Non mais niveau budget de casting. Ah, oui. Parce que niveau casting c'est pas du tout. Bah, je pense qu'ils sont pas dans la même catégorie. Mais alors je pense qu'il faudrait qu'ils aient un peu plus d'ambition quoi. S'il faut vraiment un gros crossover, il faut qu'il y ait plus d'ambition. Faut que ça se mission un peu impossibilise. Il faut une mission très importante quoi. Ouais. Et puis je trouve qu'il y a pas forcément au niveau du scénario. Fast and Furious avec des voyages et tout. Non mais je pense que c'est surtout juste que c'est un peu plus avec la réelle, elle en voit un peu plus quoi. Et que parce que la réelle était bien dans les trois premiers, même si c'était inégal comme disait Jérémy. Mais la réelle était bien, les passages avec Vincent Cassel au bord d'une piscine et tout, c'était vachement bien filmé. Non, mais ouais, parce que tu avais vraiment ce côté Dolce Vista. Le scénario était une cata. Le pire, c'est 14. J'adore Al Pacino. Mais c'est pas possible. Pour moi, c'était. Ah ouais. Mais il surjoue. Bah, J'ai vu il y a pas longtemps et ça m'a pas choqué. Il y a un peu zéro dedans, Al Pacino. Mais en plus, c'est mal. Le montage est dégueulasse. C'est-à-dire que c'est cuté et puis ça va trop vite et en même temps, il n'y a pas un intérêt. Moi, pour moi, c'est 12 et 14, il n'y a pas d'intérêt. 11, pur chef-d'œuvre, un bijou. Ah, tu peux le voir 20 fois. Les autres, pas du tout. Ça n'a aucun intérêt. Ils ont fait en plus, en vrai, ils ont fait des suites pour faire des suites. Autant qu'on se fout. Pour se faire un peu de pognon. Donc, surtout le dernier. Il n'y a même pas un intérêt artistique. Non bien sûr. Mais je trouvais qu'il y avait une ambiance qui était assez agréable. Notamment le 12 qui avait ce côté Dolce Vista qui marchait bien. Dolce Vita. Dolce Vita, ouais. Oh, Dolce Vista, ouais, désolé. C'est Windows Vista. Ouais, c'est pas pareil. Non, mais c'est nous, ceux qui s'occupent de l'informatique là où je travaille. C'est pour ça. Non, bah, Je trouve, ouais, il faut que ça aille un peu plus, que ce soit un peu plus balèze, quoi, en termes de production et de réalisation. Moi, j'ai l'impression que c'est un gros coup marketing, genre... Genre les Ghostbusters ? Genre, après Black Panther, on a mis que des Afro-Américains, là, on fait un truc... Merci, merci, Camille, merci. Même si, bon, après, ça peut être intéressant. Ouais, mais ça peut en faire un bon film, au final. Ouais, tant mieux, si on met pas le féminisme, si on a voilà, tout ça. Mais c'est un peu du recyclage, quand même. C'est du pragmatisme, du cynisme des producteurs. Je suis d'accord. Voilà. Surtout après la montée des marches. Et je vous fais de et puis la semaine prochaine, on fait un spécial jeu énorme. Combien de temps ? Prime time, 2 heures. Prime time. Il y a des morceaux de films, il faudra deviner. Ça roule. Il y a des questions sur l'émission et des questions sur les personnes qui participent à cette émission. Voilà. Donc, pas sur votre vie privée, hein, mais sur. Truc ultra, vas-y. De gros bisous. Allez, ciao. Allez, ciao. Ciao. Au revoir. Bon, bah, je reprends la main du coup. Et alors, si on a directement commencé par la critique de Ocean 8, c'est justement parce que Jérémy s'en allait. Du coup, on va reprendre un mode un peu plus classique. J'ai le programme classique, si vous voulez, les news. Ouais. Le box office, on va sauter parce que c'est franchement pas très intéressant. Et, le box office actuel ? Ouais. Ah ouais ? C'est qui en tête, tu sais ou pas ? Bah non, mais justement, je peux le regarder. Ouais, je peux. En fait, tu veux sauter parce que t'as pas préparé. Ouais, c'est surtout parce qu'il nous reste quoi ? Une heure pour traiter tout ce qui reste à faire. Ouais, pas, vas-y, c'est pas l'idéal quoi. Voilà, et ben écoutez, je vais faire quelques news très rapidement. Déjà, une très importante qui est tombée dans la semaine, je sais pas si vous l'avez vue, elle est capitale. Michael Youn, il va réaliser Divorce Club. C'est pas le bâtard. Donnez-moi le nom du gars qui lui donne de l'argent. Avec Arnaud Ducré au casting. C'est quoi Divorce Club ? Alors, il a réalisé une interview pour Allociné à l'occasion du film qui va sortir de Christophe, tout à fait. Et en gros, de ce que je sais, c'est apparemment il va le réaliser et ça parle d'un club de divorcés qui sont célibataires et qui veulent rencontrer des gens. Pour Ken, à un moment il dit qu'il pour Ken, il précise, vous chercherez la citation. Ouais, c'est l'humour de... Voilà, Christophe qui sort le 11 juillet, vous irez si vous voulez. Non, ça ira. Dans le même genre, si vous voulez. Un très grand comédien comique français, Danny Boone, il rejoint la distribution de Murder Mystery, une comédie policière américaine portée par Adam Sandler sur Netflix. Et depuis, Adam Sandler. Pourquoi Netflix continue de donner de l'argent à Adam Sandler en Mais Adam Sandler, il a fait 50 films sur Netflix. Bah, c'est ouf. Ouais. À mon avis, il a été viré des films classiques. Ouais, c'est, ouais, c'est pas possible. Après, le dernier film potable de Adam Sandler que j'ai eu, c'était Click. Et encore, rétrospectivement, il est pas bien. Mais il y avait un truc, j'ai encore des souvenirs de ce film, donc c'est-à-dire qu'il devait pas être si mal. Mais le meilleur Adam Sandler, c'est Happy Gilmore, de loin. Ouais, je l'ai pas vu. D'accord. Bon, sinon, Les Indestructibles 2, qui est déjà sorti aux États-Unis vendredi dernier et qui va sortir début juillet. Il vient d'exploser tous les records. Lors des avant-premières, il a fait 180 millions de dollars de recettes et il a explosé le record du monde de Doré qui avait fait 135 millions. Voilà, donc a priori, ils vont relancer Indestructible 3 d'ici très peu de temps. Toujours dans les flous, dans l'argent. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez suivi l'affaire, il y a Disney qui était censé racheter une grande partie de Fox. Donc ça impliquait énormément de choses. Principalement les chaînes de télé sur tout ce qui est sport, etc. Et aussi les acquisitions des personnages Marvel, etc. À la base, ça devait être bon pour eux. Sauf que Comcast, un autre groupe très très gros, a réenchéri. D'accord. Et je crois qu'ils ont réenchéri, ils ont réenchéri jusqu'à 65 milliards de dollars. Et ça vient de tomber tout de suite là, Disney a réenchéri. D'accord. Je ne parle pas français. Réenchéri. Yes. Et ils viennent de mettre sur la table 71 milliards de dollars pour acquérir la 20th Century Fox. Ouais. Voilà, donc ils veulent vraiment avoir la Fox, le monopole, tout ça. Super. Vous, ça vous fait peur un peu l'idée du monopole ou... Parce que forcément, déjà là, les films qui disparaissent au compte-gouttes de Netflix, tout ça, ça fait un peu chier. Et aussi. Les gens seront pas chauds pour, je pense, payer Netflix, Amazon, machin, Disney, truc. T'as un truc et c'est bon quoi. C'est et trop aseptisé. Après, voilà, c'est. Voilà. Et du coup, t'es obligé de passer par ces canaux-là pour avoir. C'est vaste, hein, mais il y aura toujours des. Enfin, je pense que ça va bloquer pas mal de gens. Peut-être pas nous, parce qu'on est des consommateurs, mais les professionnels, je pense que ça va surtout les bloquer. On s'y perd, quoi. Enfin, nous, on arrive à vaguement suivre un petit peu l'info, mais quelqu'un de random chez lui, s'il va pas chercher sur Internet, il a aucun moyen de savoir qu'il va aller sur Netflix et il va dire il est où Avengers. Voilà, c'est ça. Il y a aussi DC qui va lancer son truc au mois d'août avec tout un tas de séries qu'ils ont fait, donc c'est incroyable. D'ailleurs, tu fais très bien de parler de ça parce que tu me fais une transition incroyable. France Télévisions, TF1 oui, et M6 ont ouais. publié un communiqué. Yes. Alors, je vais vous lire le communiqué. Cette alliance entre les trois principaux éditeurs du marché s'inscrit dans la volonté d'accompagner toujours mieux le public français dans l'évolution de ses usages. Donc oui, ces trois plateformes-là vont créer une plateforme à la Netflix pour le public français. Ça va foirer. TF1, M6, France 2... Ouais. Ça, c'est ouais, franchement, je ne sais pas. Enfin, je sais pas si tu peux choper les Joséphine Ange Gardien et tout ça, et peut-être qu'il y a des gens que ça va intéresser. Mais c'est unique quand même que ces trois groupes-là s'unissent justement. Ouais. Ça, c'est incroyable. Moi, ça m'a choqué. C'est les, ils ont des politiques et des philosophies, des visions différentes. Donc, bon, après, tant mieux. Du coup, ça veut dire que la plateforme sera éclectique et qu'il y en aura pour tous les goûts, mais ouais, à voir. C'est bizarre que France, voilà, qui est du service public surtout, commence à faire du. Oui, c'est vrai que ça, c'est curieux ça. Alors que TF1, c'est pas le cas. C'est qu'ils doivent vraiment se sentir un peu acculés par Netflix. Ils veulent contre-attaquer, quoi. Mais c'est bien si ça permet d'avoir plus d'argent et de faire des bons documentaires comme il y a sur parfois sur Plus. Je crois que c'est Plus là. La plateforme France Télévisions, c'est ça, ce serait bien. Un petit mot vite fait sur le box-office, je vais vous juste donner le top 3. Numéro 1 pour sa deuxième semaine, et il est sur 9300 salles en France, c'est Jurassic World qui a fait 669 millions de. Non, 1000, pardon, qu'est-ce que j'ai dit, millions d'entrées en deux semaines, enfin cette semaine-là. Ouais. Ensuite, on a Ocean's 8 qui a sa première semaine qui a fait 311 000 entrées. C'est déjà très bien. Vive les spin-offs. Exactement, c'est vrai. Mais c'est vrai que là, le top 3, c'est que des suites et des spin-offs. Parce que le troisième, c'est encore Deadpool 2, qui a sa cinquième semaine, et qui a 117 Deadpool 000 2, cette semaine. Ouais. C'est vrai que je suis un gros consommateur, je t'en avais parlé quand t'étais venu, je suis un consommateur d'un peu tout ce qui est film populaire, blockbuster, machin, mais j'avoue qu'à chaque fois que je vois les tops ou les trucs comme ça, ou je vois le listing des films qui sortent, c'est très déprimant de voir que c'est que des suites, des remakes, des... Bon, il n'y a pas que ça. Apparemment, mais... Chanel était bien, mais le reste, c'est de... Enfin, une semi-daube et une daube. Donc... Ouais. En fait, ça mise que sur la hype, quoi. C'est que ça, hein. Oui, bien sûr. Il y a pas de, c'est pas des critiques, c'est pas représentatif de la réelle qualité du truc, quoi. C'est et encore Deadpool 2 est mieux que Jurassic World, alors que Jurassic World est premier. Enfin bref, c'est Jurassic World, quoi. Mais c'est pareil. Alors c'est un petit peu hors sujet, mais c'est un peu mon même ressenti sur le 3 où c'est majoritairement des suites, en fait. Surtout pour la conférence. Mais ça, on en parlera. En fait. Oui et non. Enfin bon. Oui et non. Dans ce que les gens retiennent, non. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, mais par Death Stranding, Ghost of Tsushima, Cyberpunk. Bon, on en parlera de ça. c'est pas des. Sinon, là, j'ai fini avec les news. Du coup, je suis un peu en panique parce que il est assez tard. En fait, l'interview a duré pas mal de temps et la pause a été assez longue. Mais ça devrait le faire. Je vous fais très rapidement le petit jeu. Excuse-moi, Ismail, j'ai vu deux bandes annonces. Je permets de couper. Ah oui, justement. J'ai vu deux bandes annonces là au ciné cet après-midi. Sicario 2, qui a l'air vraiment bien. Qui va bientôt sortir avec Josh Brolin et Benicio del. Non, il y est plus. Si, c'est justement un vertige entre les deux. D'accord. Emily Blunt n'est plus là, non. J'ai vu la bande-annonce de ça, Sicario sous-titré La guerre des cartels. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Au début, c'était Sicario Soldado, au début, ça s'appelait même. Là, ils ont tout changé. Et c'est plus Denis Villeneuve qui s'en occupe. Non, je crois pas que ce soit lui. Ouais. Mais la bande-annonce donne trop envie. Franchement, elle donne trop envie. Ça a l'air d'être un truc un peu subversif en mode. Ça tire sur des flics et tout. Ça a l'air vraiment d'être le foutoir. Brolin, c'est vraiment sa meilleure année depuis des années. Il a bien. Il est sur Deadpool, il est sur Avengers. Ce mec a tout gagné, quoi. Et il y a aussi, qui est tombé aujourd'hui, je l'avais pas noté, l'abondance de Creed 2. Ouais, j'ai vu même. Donc Rocky, du coup, Rocky. Rocky 6. Non. 7. 8. 8. C'était Creed 1. Ah ouais, Rocky 7. Creed 1, c'est Rocky 7. C'est incroyable. Enfin, c'est un spin-off pour le coup. Oui, c'est un spin-off qui retrace un peu les films précédents, mais c'est assez particulier. Mais moi, je suis plutôt chaud, même si c'est plus rien couleur à la réelle. Le 1 était très très bon. Ouais, très très vraiment bon. Vraiment. Il y avait une ambiance un bon film de sport. Il y avait une bonne ambiance de salle de combat quand on était dans la salle. Ouais, non, le film avait l'air vraiment propre. Enfin bon, pas d'autres news de votre part? Non. Fallait venir avec des news. Non, mais je sais pas si t'as mis un truc. Bon, écoutez, on va faire très rapidement, très brièvement, évidemment, le jeu où il faut deviner de quel film parle la critique une étoile sur le ciné. Et là, j'ai fait des films qui sont actuellement à l'affiche. D'accord. Actuellement à l'affiche. On peut le redire ? Non. Alors, j'ai un premier commentaire. Alors évidemment, on est à 3 et vous savez, ça fait 3-4 semaines que je le fais, c'est pas un vrai jeu. Personne ne gagne rien à chaque fois, mais bon, quand même. Arnaque. Allez, le premier film, c'est un commentaire de Lick Anthony L, qui date du 5 juin 2018. Il a mis 0,5 étoiles. Je suis quelqu'un de très bon public et un grand fan de la saga. Ce film est à Alien, ce que... Tu peux peut-être me laisser le terminer éventuellement. Non. Bon, je dis juste la dernière phrase. Ce film est à Alien Covenant, la saga. Rien à voir. Je ne comprends pas. Enfin bon, Jurassic World. Soyons clairs, ce film est une comédie vraiment, ou plutôt un what the fuck parade. Très bien. Ensuite, un commentaire de Antoa qui date d'il y a 3 jours. C'est tout récent. Catastrophe cinématographique, c'est mou. Très beau film, mais c'est tout l'inverse qui se produit. On a l'impression que les actrices sont là pour faire un Ocean 8. Ensuite, on a un commentaire de Gribouille Gogotte. Oh yeah. Des pseudos toujours aussi. Le fameux. Ouais, le fameux. On pense à lui. Une immense déception. On s'ennuie en dehors de quelques moments drôles vus dans la bande-annonce. Ni rien de drôle. Un film plat, sans intérêt. Même pas celui pour lequel vous vous déplacez, celui de vous divertir. Très étonné, je suis plutôt bon public de voir que les critiques sont aussi bonnes. Cela me surprend. Tel acteur m'a beaucoup déçu au plus haut point. Le film aussi, dans sa globalité. Alors, ce film est sorti il y a de ça un peu moins d'un mois. Ah, c'est une comédie donc. C'est une comédie. Française. D'accord. Franco. Ah. Alors là. C'est un film à concept, plutôt court. Concept qu'on voit assez rarement. Au cinéma, l'un des derniers marquants, c'était fait justement par un acteur que tu aimes beaucoup, Guillaume. Ah, mais un acteur que toi t'aimes beaucoup ? Non, que toi tu aimes beaucoup. Michael Young ? C'est un même genre cinématographique, un film. Allez. Taxi ? Non. C'est belge aussi. Ah, c'est mon. Non, pas Monquette. C'est Monquette. Ah, c'est vrai, okay. Il est sorti il y a un mois ? Ouais, il est sorti le 30 mai. Ah, ouais, punaise. Bah, c'est pas il y a un mois. J'ai dit un peu moins d'un mois. Ah, ok, d'accord. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si ce que vous en avez pensé. Moi, je l'ai vu. C'est bizarre de voir ça au cinéma, mais c'est marrant. Il y a des passages très marrants. Et le cosplay Julien Doré. Même au début, avec son avocate et tout, là, c'est hilarant, franchement. Pourquoi en faire un film ? Moi, c'est ça, c'est que c'est bizarre d'en faire un film, en fait. Ouais, il raconte rien, en fait. Moi, je l'ai vu une semaine après sa sortie au lycée Bercy, et on était très peu dans la salle, et pas forcément des gens très réceptifs, donc il y avait vraiment des silences de gêne assez particuliers. Mais le montage était intéressant parfois, où il arrive à dépasser la limite, où c'est juste de la gêne, et ça devient de l'humour. Et c'est assez intéressant. Mais bon, après, j'étais un peu déçu tout de même. Alors là, j'ai deux commentaires pour un film qui a très peu fait parler de lui. On en a brièvement parlé la semaine dernière. On va voir si vous allez le trouver. Un commentaire de Stéphane D. 0,5 étoiles. Un pré-chipre-écha féministe attendu et convenu sur le thème déjà archi-traité de ce même registre insupportable. Vraiment sans intérêt. Désobéissance. Non. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu. Ça aurait pu. Un commentaire de Fasskinder. Pas mal son blague. Je le connais. Ah bon ? Ça aurait été fou. Fasskinder. Niveau réalisation, ça fait téléfilm TF1, voire programme institutionnel. Oh là là. D'un corps. Les comédiens. Ah, tes souhaits. Ah, comment ça s'appelle ? Les comédiens passent des coups de fil quand ils débitent leur texte, genre soap opéra mexicain, tout sonne faux et on s'ennuie péniblement. Bref, à oublier. C'est. Ça commence par un V. Volontaire, non ? Voilà. Je l'ai vu tout à l'heure, il est excellent. Il dit c'est n'importe quoi, il est trop bien le film. Les commentaires parfois. Alors celui-là, je vais vous dire la vérité, je l'ai pas vu, je sais que c'est. J'aime même pas être catégorique comme ça. Je sais que c'est de la merde ce film. Donc je vous dis. Un petit tips comme ça, un petit tuyau. Un commentaire de Sebd59. Comment tu es spectateur ? On n'attend pas grand chose de ce film et pourtant on ressort déçu de ce film. Digne d'un téléfilm de l'après-midi sur M6. Le film est plombé par ses dialogues inutiles, par son humour qui ne fonctionne que rarement et surtout par cette impression persistante que ce ne sont pas que ce n'est pas une adaptation de la pièce de théâtre. Ah, comment tuer sa mère. Ah, voilà. Yes. Voilà, j'ai vu la balance. Déplorable. Juste après Hérédité parce que fallait que j'étais compris. Ah bah oui. Et c'est d'une nullité. Mais vraiment, j'ai regardé la bande annonce. Faut pas juger la bande annonce. C'est gigantesque. Et c'était, j'étais atterré. Ouais, j'ai vu l'affiche. C'est horrible. Et pourtant, j'aime bien Vincent Desagna. Mais moi aussi, j'adore Vincent Desagna. Mais là, en fait, c'est parce que c'est les dialogues. Mais en fait, ça vient du théâtre, donc ouais, voilà. C'est... Ouais. Après, c'est un parti pris. Je pense qu'il y a vraiment un spectacle. Il y en a, ils étaient là. Carrément. Ils ont vu les notes, non. Mais il doit y en avoir. Les pauvres dans la salle, ils étaient morts de rire. Ouais, t'étais où, au hall ? Non. Au hall. 16e, mec. Ah, ok, il y a des pauvres dans 16e. Ah non, mais au hall, ouais, ça a rigolé. Oh là là, comment je vais les noter ? Ah, ok. Là, j'ai un commentaire de Saperlipopette 911 RPZ. C'est la police de New York. C'est le numéro d'urgence. Ouais, commentaire une étoile. Je l'attendais comme le Messi ce film. Bilan, une bonne dope de 2 heures avec une moitié où il ne se passe rien. Un final complètement what the fuck. Grosse déception. Un autre commentaire de Nathalie N. Quel film décevant, une histoire sans queue ni tête. La presse annonçait un chef-d'œuvre. J'ai payé pour me pourrir la soirée. Mais au fait, c'était quoi l'intérêt des gens nus qui apparaissaient sur certaines scènes? Hérédité. Un conseil, fuyez les salles de cinéma. Hérédité, effectivement. Ouais. Quand t'as pas compris un film, bah ouais, tu dis ça. Hein. C'est voilà, hein. De l'autre côté de l'Atlantique, on dit que ça réinvente le film d'horreur et ici on dit bah c'est. De toute façon, c'est toujours. J'ai remarqué que c'est le cynisme français, en fait. Dès que t'es dans un film avec soit trop de sentiments, c'est-à-dire une explosion de sentiments, une explosion que ce soit de peur, d'amour et tout, ça va faire rire. Tout à l'heure, dans. Il y a un passage dans. Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure ? Putain, attends, j'ai vu Volontaire et le film d'avant. Ah, mince, j'ai oublié. Ah, voilà, j'ai vu Sans un bruit. Ah. Qui est sorti aujourd'hui. Oui. Qui est aussi. Enfin, voilà, moi je suis un peu mitigé sur le film, mais pas par rapport aux réactions des gens, mais il y avait des passages où les gens rigolaient. Ouais, franchement, non. C'est agaçant, quoi. Ouais. Tu viens dans une salle de cinéma et on est dans un mood peur. Commence pas à rigoler, tu gênes les gens, quoi. Bah, dans Hérédité, parfois les gens rigolaient dans certains moments, on en reparlera tout à l'heure pour ceux qui l'ont vu. Il y a des moments un petit peu gnangnang, quoi. Enfin, des dialogues un peu mal écrits. Et on peut, voilà, ça peut un peu faire sourire, voilà, se dire, ouais, là c'est pas crédible. Moi j'étais plus dans le mood, ouais, c'est pas trop crédible. Je me souviens quand ce film là, Sans un bruit, était sorti aux États-Unis, j'avais vu pas mal de gens qui en faisaient des reviews et qui conseillaient vraiment les gens à vraiment maintenir l'ambiance de silence complet dans la salle. C'est l'intérêt total. Ouais. Et c'est intéressant parce que ça fait partie des films expérience. Bah, moi j'ai dit à un gars à côté de moi, enfin il y avait deux mecs à côté de moi qui, à chaque moment où. Parce qu'il y a des enfants qui font des. Voilà, personne parle, tu sais, c'est un monde où on doit absolument faire aucun bruit. Du coup, il y a des situations un petit peu spéciales qu'on voit pas dans la vie de tous les jours. Et voilà, les mecs faisaient à chaque fois rigoler. Je leur dis, les gars, arrêtez, s'il vous plaît, cassez pas le truc, quoi. J'ai pas besoin de vos rires en fond, quoi. Je veux. Déjà, en plus, le film est vachement silencieux et quand il y a un bruit, en fait, ça te. Oui, voilà. Ça te. C'est le moment où il y a un bruit en fait qui te. C'est un film qui met énormément en valeur du coup le son en fait. Et c'est pas tant Tim qui fait ça. Le quand t'entends une voix, ça te fait bizarre en fait. Voilà. Ça fait 45 minutes, t'as rien entendu, bah voilà. Allez, je passe au prochain film. Un commentaire de Quiet qui date de 2014. Quiet. Non, Quiet. Quiet. K. White. Ah, ok. Quiet. Non, K. White. Ah ouais? Énorme déception. Au début, j'y ai cru avec les fameux glands et le gamin au comportement étrange qui laisse croire que la maison est hantée. Finalement, que dalle. Rien n'a été creusé de ce côté-là. On se retrouve finalement avec deux gamines insupportables sans personnalité dans une histoire vide d'intrigue. Bref, enfantin. Alors, ça lance un piège. Il est encore à l'affiche là ? Il est à l'affiche. Alors. Franchement, je vois pas du tout. Allez, une astuce, c'est un film d'animation. Ah, Totoro ? Ouais. Ouais, ouais, d'accord. Et c'était ça. Les deux gamines, ça m'a. Et c'était ça le piège, parce que c'est un film qui est actuellement à l'affiche, mais qui n'est pas sorti. Sorti longtemps. Suite. Voilà. Voilà, je me crois malin. Un commentaire de vieux slip. T'en as encore ? T'as le man à un robinet. Tes gens, ils sont endormis, là, comme nous. Bon, j'arrête alors. Formidable. Non, en plus c'était le dernier. Ouais, vas-y, le dernier. Allez. Bon, en plus c'est un commentaire de vieux slip. Attends. De qui? Vieux slip. Okay. Un frère. Un des films les plus nuls du monde que n'importe quel pseudo intello prend pour un chef-d'œuvre, car il est réalisé par tel réalisateur. Ennuyant au possible, tout le monde serait de mon avis si Robert Crottin l'avait réalisé. Arrêtez de vous voiler la face. Ce film est nul. Point barre. C'est le même cas que Totoro, un film qui est sorti à une autre époque, mais qui est actuellement à l'affiche pour un événement spécial. Pour ses 50 ans d'ailleurs. Mais pas ici quoi, enfin pas dans les grands cinés. Si. Si. Enfin, pas dans les grands cinés, je crois pas, mais dans certains cinémas. À la Cinémathèque ou je sais pas où là. Ce film a 50 ans. Il a 50 ans, il est sorti en 68. Alors là. Est-ce que c'est un film français? Allez, ça va être le Super Banco, le premier qui réagit, il l'a. Je vous donne un indice, Interstellar. 2001. Ah, 2001. D'accord. Oui. Ah, ces commentaires. C'était au Grand Rex. C'était au Grand Rex. Ouais. Je crois qu'il y avait un UGC aussi vers Montparnasse qui diffusait. Ah ouais. En version complètement. Mon frère, il allait le voir à Los Angeles, remasterisé, hyper. Ouais. Voilà, un truc, parce que le Rex c'est pas si top que ça au final comme ça a mal vieilli maintenant. Le c'est grand Rex c'est nu à chier. Ouais, c'est chimique. Ouais, c'est pas si ouf. C'est nu à chier maintenant, c'est pourri. Ouais, c'est, ça a très mal vieilli. Ouais, voilà, en fait. C'est pas du tout. C'est pas donc, du tout bien pensé. C'est pas l'espérance de ouf de voir. Dernier film que j'ai vu au grand Rex c'était l'avant-première de Ant-Man. J'avais gagné un concours. Et t'as vu des gens Non, parce que justement c'était pile poil le film où ils ont arrêté de ramener les acteurs en France. C'est vrai qu'ils font que Londres maintenant. Ils font Londres et c'est fini. Ils font plein de films, Marvel, vrai, le Brésil, etc. Mais ils auraient été devenus en France. Tu l'as vu en, en AVP? Non, au Rex, c'était, c'était horrible. Ouais. T'avais vu quoi? Blade Runner 2049. Blade Runner, ouais. Et ouais, non, non, c'était vraiment. C'était pas ça. J'avais vu aussi. Pas, le film est génial, mais la salle est nulle à chier. Quoi. Moi, j'avais vu Dragon Ball Fukatsu no F. Ouais. Pareil, j'y étais. Ah, t'y étais aussi tu vois, vous êtes là le même jour. Et l'ambiance dans la salle était cool, mais en vrai, c'était pas. Bah, c'était en vrai, c'était juste pour retrouver les gens qui kiffent le truc. Ouais, moi aussi, j'avais gagné une place. Ouais. C'était mais mis en cosplay ou pas? C'était en Sangoku. En Végéta. Ah, ouais. Et je suis allé au. Enfin, quelques semaines après, je suis allé au Max Linder là. Ouais. Ah, j'y suis jamais allé au Max Linder. Pas l'actuel, hein, pas celui qui est à Place d'Italie, celui qui était à, bah, dans, au Grand Boulevard. Mmh. Et c'était 100 fois mieux. Ouais. Pour une nuit Schwarzenegger, le ciné est mieux en fait. Mmh. Pourtant, il est de la même époque, j'ai l'impression que c'était un peu de la même époque. Mmh. C'est des ciné old school un peu. Mmh. Bah écoutez, on a fini avec les news et le jeu interminable. J'en ferai moins la prochaine fois. C'est infernal. À tomber de fatigue, à regarder son téléphone toutes les deux minutes. C'est calme. Pardon, t'as un problème, toi? Non, mais je disais pour on toi. On en parle du petit dessin que t'as fait dans mon carnet. Bah oui, je t'ai fait un petit dessin. Oh. Ok, super. Alors, donc, il y avait Ocean 8, il y avait Hérédité, il y avait un autre film, non, aussi? C'était Désobéissance. Quoi Désobéissance. Tu as vu Désobéissance? Personne d'autre? Ouais, non, si, j'ai vu. Ah, tous, allez-y, parlez-y. Allez. Moi, je l'ai pas vu. Donc, si vous deviez me faire un pitch, ce serait quoi? Alors, alors. Ouais, c'est quasi comme ça. Non, c'est comme ça. Ok, voilà. C'est l'histoire d'une nana qui vit aux États-Unis, qui est d'origine, enfin qui a grandi dans une communauté juive orthodoxe, je me trompe pas, et en fait qui apprend que son père est décédé, et donc elle doit retourner au pays, entre guillemets, à Londres. Ah non, ouais. Je pense que c'est là où. C'est en Angleterre, ouais. En banlieue, quoi. Pour vivre, du coup, enfin participer aux obsèques, sauf qu'en fait. On sait pas, elle sait pas qu'il a vraiment prévenu de ça. En fait, on réalise qu'elle est pas du tout la bienvenue dans la famille parce qu'elle est partie à New York, parce qu'elle a un côté très rebelle, je fume, je m'habille, je me sape et tout. Il y a surtout un grand truc qui fait qu'elle est mal vue dans sa communauté. Oui, c'est qu'en fait... en fait, je pense qu'elle est, c'est juste une meuf open. Mais voilà, la religion, c'était trop fort pour elle. Et avant qu'elle parte, elle a eu une relation avec une nana. Et en fait, on apprend. Je sais pas bien de spoiler en radio aussi. Franchement, non, mais c'est là, même pas c'est un spoil. Pas vraiment spoilé en fait. C'est mais le nerf du ouais, film, c'est l'intérêt du film. Bon, on apprend en fait à toute fin que c'est la nana avec qui elle avait une relation. Mmh. Mais ça, c'est dans le synopsis. Hein. C'est dans le synopsis. Moi, j'avoue, je savais pas. Ouais. Et c'était cool de l'apprendre à toute fin. Ah, bah ouais, j'imagine. Ouais. Et en fait, en revenant. Dommage pas pour vous qui nous écoutez. Elle réalise que ses deux meilleurs potes d'enfance se sont mariés. Et donc elle trouve ça bizarre, mais nous on sait pas encore pourquoi elle trouve ça bizarre. Et puis en fait on réalise peu à peu que c'est vraiment le poids de la communauté qui les a forcés à se mettre ensemble. Et c'est vraiment un film sur la liberté. Enfin, c'est un thème, c'est tellement un thème énorme que je trouve qu'il est très très bien traité là dans ce dans ce film là. Et le petit plus, c'est le côté immersion dans la communauté juive orthodoxe. Genre on en parle très peu. Ouais. Moi j'avais l'impression d'être au Moyen-Âge. J'ai trouvé ça vraiment très violent, un peu choquant. Mais c'est ça, c'est pour ça aussi qu'on va au cinéma, c'est pour apprendre des choses. Et là j'ai appris quelque chose. Mais violence sans réelle violence, c'est ça que j'ai adoré quoi. Genre il y a aucun moment un mec qui contre un mur en disant genre c'est moi qui décide, tu vois. C'est plus vraiment une pression morale, ouais, familiale, ouais. C'est une pression qu'on se met à soi-même aussi en tant que femme juive, étant donné que dans la judéité c'est par la femme que la judéité se transmet. Ouais, et ça, c'est le réalisateur, là, Sébastien Lelo, un truc comme ça. C'est un réalisateur hispanique. Il fait que des films où il filme les femmes. Il aime ça, en fait. Ouais, voilà. Et là, il a fait vraiment filmer. C'est Rachel McAdams, c'est Rachel Weisz qui joue les deux. Voilà. C'est aussi Rachel Weisz qui produit, étant donné qu'elle est juive orthodoxe aussi. Enfin, plus tendance orthodoxe. Et Ashkenaz, donc d'Europe, Et c'est un autre mode de vie, c'est le mode de vie vraiment qu'on voit dans le film, avec des perruques, des habits qui laissent rien dépasser, etc. Voilà, c'est une certaine forme d'archaïsme en fait dans la pratique religieuse, avec des tabous énormes, ne serait-ce que le toucher corporellement quelqu'un. Et en fait, il y a un personnage clé dans le, parce que c'est un film où il y a trois héros. Il y a Rachel Weisz qui joue la femme un peu rebelle, un peu émancipée. Il y a Rachel McAdams qui elle est enfermée dans le monde orthodoxe, et il y a le troisième qui est en fait l'ami d'enfance, qui est un rabbin et qui est en fait l'élève, le successeur en fait à la tête du pas de l'évêché mais du rabbinat, quoi, de la communauté, qui est en fait marié avec Rachel. Ouais, le père était son mentor. Et c'était le père était son mentor. Mmh. Voilà. En fait, c'est une histoire, c'est une romance saphique. Et c'est aussi une histoire de... et là encore, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, où je voyais des gens rigoler à certains passages du film, notamment où un moment clé, en fait, où il se passe un truc, et le mec dit « Ah, Hachem nous a béni, Hachem qui est un des noms de Dieu dans la religion juive, il dit « Voilà, c'est une bénédiction de Dieu, alors qu'on... » C'est là, en fait, cette ligne de dialogue-là, elle traduit vraiment son archaïsme en termes de pensée, et des gens ont rigolé, sauf que, en fait, tout le propos du film, c'est de montrer que la religion peut accepter ça. Et le tout premier, là je spoile pas, hein, c'est la toute première scène du film, qui montre, c'est le seul moment passage où on voit le père de Rachel Weisz, donc qui décède et qui en fait qui est un des personnages principaux sans être là. Et c'est pareil aussi dans Hérédité un petit peu, où il y a un personnage principal qui meurt, qu'on ne voit pas beaucoup, qu'on voit quasiment pas, et qui en fait est un personnage principal. Et ben c'est lui qui montre en fait qu'il y a une certaine force dans la religion, dans l'expression, en fait, dans l'explosion des sentiments. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tellement réfréné qu'au bout d'un moment, il explose. Et au moment où il explose, on ne peut pas le retenir. Et que c'est dans notre nature, en final. Et que même la plus haute autorité de cette religion ne peut pas retenir certaines choses. Et doit se résoudre, en fait, à repenser, en fait, la religion, là, c'est juive, pour qu'elle aille, pour qu'elle aille en tirer le mieux chez les personnes. Et c'est le dénouement est magnifique, hein, par exemple, de ce film, je trouve. On est sur des performances d'acting. On est dans des vraies performances. Rachel McAdams. Ouais. Elle a une bonne carrière. Elle commence à bien rebondir, justement, Rachel McAdams, parce que si je me souviens bien, elle avait joué dans le film justement sur la polémique des prêtres aux États-Unis. C'était un journal qui avait ça. The Big Hit. Et ça l'avait pas mal révélé à une cérémonie, je sais plus laquelle. Et elle a joué dans Doctor Strange. Ouais. Non, mais elle a toujours été bien, Rachel McAdams. Mais là, j'ai l'impression qu'elle est en train d'enchaîner ses films. Elle est vraiment super, super bonne. On peut dire comme ça, mais. Surtout l'acteur, je trouvais qu'il a vraiment trouvé sa place. Et après, je pense qu'il y a une direction d'acteur de ouf aussi derrière ça. Mais. C'était vraiment bon. Enfin, moi, il me surprenait à chaque fois dans ses réactions et ses non-réactions. Ouais. C'était très fort. Et le dénouement, par exemple, je m'y attendais pas du tout. Ouais. Et chapeau bas pour ça, parce que... Mais c'est vrai que McAdams, moi, il y a des moments où vraiment, ça m'a touché, quoi. J'étais là, putain, mais j'ai rarement vu ça, vraiment. C'était vraiment assez... C'est toujours filmé en plan vraiment réduit. Il n'y avait pas de plan large dans le film. Hein. C'est pour insister sur l'enfermement. L'enfermement du truc. Et c'est vrai que c'est, comme disait Camille, c'est un milieu qu'on connaît pas, hein, ou peu. Et j'ai l'impression que Rachel Weisz qui produit le film s'est dédouanée aussi des critiques par rapport à... Parce que ce film, j'imagine que dans les milieux orthodoxes, ça va critiquer. Sachant qu'ils sont très très virulents. Hein. Tu regardes juste les débats qu'il y a même en Israël ou quoi, entre les juifs orthodoxes et les juifs un peu plus souples. C'est vraiment, ça se tape. Et ben là, dans le film, je pense qu'elle s'est un peu dédouanée par rapport à son film précédent où elle faisait une avocate qui veut. Enfin, qui combattait les négationnistes et tout. Je sais plus, c'était un film assez. Judiciaire, un peu, voilà. C'était pas l'affaire du siècle ? L'affaire du siècle, un truc comme ça, où vraiment elle se montrait un petit peu battante du truc. Donc ça prouve qu'aussi elle n'est pas dans un seul mode de pensée du truc. Et ça, c'est un truc qui est lisible dans le film, largement. Ok. Eh bien, on valide ce film alors, si j'ai bien compris. Ah, vraiment, une narration. Film, Après, il y a des moments un petit peu moisis, comme certains passages de dialogue, voilà, où je spoil pas, mais le premier moment où Rachel, où les deux femmes se retrouvent seules. Ça tourne un petit peu au mélodrame, un peu, voilà, c'est pas terrible, je trouve. J'ai lu que le gros passage du film qui est le money shot, entre guillemets, dans l'hôtel, vous vous souvenez, c'est un passage qui a été fait totalement en impro. Donc grosse performance encore une fois, intestable. Ouais. Ça prouve que les deux, il y avait une alchimie et tout. Je pense qu'il y a une vraie sensualité. Et voilà, et c'est-à-dire que même l'inter, enfin, je pense que c'est une volonté de mettre l'interdit comme un truc érotique. En fait, c'est-à-dire que ça empêche, mais voilà, dès qu'il y a le premier baiser et tout, mais c'est ça, on est en plein dans ce truc-là. Et puis on est dans une narration qui est vraiment très subtile et très sobre. Et ce que je disais hors antenne, c'est que j'aurais aimé le voir sans lire de synopsis, en fait. Vraiment découvrir, parce que forcément, j'avais lu le synopsis, donc je savais ce qui allait se passer. Or, le film introduit les choses de façon très subtile et très sobre. Et donc, du coup, je trouvais que j'avais envie de découvrir. Toi, j'imagine que t'as pas lu le truc, donc c'était vraiment une découverte à chaque fois. Ça devait être bien. Et ça devait être vraiment cool parce que le film est non linéaire, en fait. Il te prend pas par la main, il t'explique pas tout. Ouais, je suis d'accord. Et tout ça traité sous l'œil d'un homme. Et ça aussi, c'est pas rien. Je pense que ça aurait été différent si ça avait été une réalisatrice. Peut-être qu'on aurait plus tombé dans une espèce de pathos un peu. Mais là, ça restait léger. Et toi-même, la manière dont tu l'as décrit, c'est exactement ça. C'est on t'emmène, on te prend par la main et viens, on te donne des informations au compte-gouttes et vis le truc avec nous, quoi. La rencontre, la nouvelle rencontre, c'est très beau film. Vraiment bien. Ouais. Rappelez-moi le titre, le nom. Désobéissance. Eh bien, je vous invite à aller le voir. Qui est expliqué d'ailleurs le titre dès le début. Oui. Ouais. Après, c'est des messages qui parlent pas à tout le monde parce que j'ai dans la salle, les gens rigolaient parfois à des moments, alors qu'en fait, c'est pas beaucoup de personnes. Tu vas souvent voir tes films à Oual, toi. J'allais dire. Il y a peut-être corrélation. C'est parce que ça m'arrange en termes de transport et tout. Ouais. Mais avant, j'allais à Bercy. Il est à côté de moi après. Ouais, à côté. Et je vais à Bercy en général, mais vraiment, j'ai la flemme d'aller à Bercy et tout. C'est un petit peu reculé dans le 13e là. Mais j'y vais, j'essaie d'aller dans le donjon, tu vois. Le donjon, c'est les salles 35, 34, 33. Voilà, je vais là-bas et j'attends en général que le film soit sorti une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Que les salles soient un peu désertées. Voilà, que ce soit un peu déserté. Qui ronflait. Je suis mieux. Désobéissance. Bon, j'y suis allé. C'était des adultes. C'était pas des Rihanna. Hein. Tu vois, des Kanye West, c'est des Rihanna. C'était des adultes. Mais qui rigolaient. Mais je pense que c'est ce mouvement. Et j'entendais encore tout à l'heure quelqu'un le dire dans un podcast que j'écoutais dans les transports. Ouais, j'aime pas la religion. Mais sans vraiment aller l'étudier ou aller la comprendre. Et là, c'est un film, je trouve. Moi, j'aime bien la religion en tant que culture. Oui, c'est ce que disait Moguri dans Coming Corner. Je pensais à lui sans vouloir le citer. Bref. Mais voilà, il disait ça. Et je trouve que c'est un peu un manquement au devoir intellectuel d'un spectateur, c'est-à-dire de se dire que voilà, ça c'est une vision qu'on me montre et c'est pas unidimensionnel. Et le film est vraiment pluridimensionnel. Il te montre que la religion, en fait, non, parce que c'est un rabbin. Lui, il va le rester rabbin. Mais il est confronté à des trucs qu'il doit composer. Et ça marche. Ouais, et c'est ça que j'ai trouvé bien. Et comme tu dis, la fin, elle est vraiment, superbe. Ouais, la fin est bouleversante. En fait, c'est dingue parce qu'il il a le courage. Je suis même pas sûre qu'il soit conscient du courage qui... Mais en fait, on sent qu'il est pénétré par cette révélation de putain, mais les gars, waouh, on est des êtres humains, on a tous une vie, un libre arbitre et on peut choisir d'être libre. Et t'as bien vu, avant tout ça, il y a un passage où il est en mode infarctus, quoi. C'est ça, en fait, c'est que le truc le pénètre et vraiment l'acteur est très très bon. Et l'acteur n'est pas juif et tout. Enfin voilà, c'est un acteur, je crois, italien qui sort de nulle part. J'ai jamais vu d'ailleurs. C'est vrai que là-dessus, la réelle aide beaucoup à ce moment-là. Tu sais comment ça le suit, c'est dans la synagogue, comment ça le suit. Tu vois bien la tourmente, en fait, le questionnement, voilà. Et c'est ça aussi le but de la. Et c'est un film très religieux sans être. Très spirituel. Au-delà de la religion. Au-delà de la religion, c'est pas un film théologique. Non. Mais bon. Un film avec beaucoup de couches, d'ailleurs. Vous me l'avez. Énormément envie d'aller voir. Après, il y a des petites phases de mauvais goût, mais va voir le film. Ah, je vais sans doute aller le voir. Bah écoutez, merci à vous trois. On va parler de Hérédité. Hereditary. Yes. Tu ne l'as pas vu ? Comment il saisit le micro. Alors, Cam, écoute, tu dois t'en aller apparemment. Oui, apparemment. Bah, c'est vrai qu'il est déjà pas torsi. On va pas trop tarder non plus. C'était très cool d'être venu. Merci encore. Et tu reviens la semaine prochaine ? Non. Je suis en résidence. Mais je reviendrai à la rentrée. Ok, on compte sur toi alors. Ça sera merci cool. Merci pour l'invite. Y a pas de quoi. À bientôt. Ciao. Ciao. Ciao. Salut. Donc Hereditary. Hereditary, ouais. Hereditary. Alors c'est un film d'horreur réalisé par j'ai oublié le nom du réalisateur. Tu l'as plus C'est un mec qui a fait que des courts métrages. Qui a une trentaine d'années. 30 ans, je crois. 31 ou 30 ans. Et je crois que le dernier film qu'il a fait n'avait rien à voir avec le genre horrifique. Il n'a pas fait de film, je crois qu'il a fait que des courts-métrages et là c'est son premier film, je crois. Semble-t-il. Donc là on est sur un film qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis, il y a de ça qu'il est sorti il y a de ça quelques semaines aux États-Unis. Alors moi je l'ai vu. Pour la mise en contexte, Guillaume, tu l'as pas vu ? Guillaume ne l'a pas vu. Non. Pour la mise en contexte, je n'aime pas les films d'horreur. J'aime pas tout ce qui est flippant, horreur, etc. Ça a un petit côté assez intéressant par moment, mais par exemple encore un hors sujet, tout ce qui est Resident Evil par exemple, je ne peux pas. Je me souviens les jeux. Les jeux, oui. Ouais. Je ne peux pas. Je me souviens du Resident Evil 2 sur PS2, sur PS1. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à essayer d'avancer. Donc en fait, tout ce qui est l'horreur, etc., la peur, c'est pas un truc qui me donne envie de consommer ce produit culturel. T'es pas addict à ça, ouais. Vraiment pas. Je préfère être à l'aise, en gros, avoir des feelings positifs. Mais je me suis dit, c'est l'avant-dernière émission de cette saison. Il y a un film d'horreur dont j'entends beaucoup de bien à droite à gauche. Dont toi d'ailleurs, tu nous l'avais déjà vendu en l'ayant vu en premier. Donc j'y suis allé, je suis parti le voir. Et force est de constater que quand il y a du qualitatif. Tu vois, t'es pas devant du saut ou devant du Conjuring. On n'est pas sur du jumpscare. Non, il y en a aucun. C'est vraiment de l'horreur gore, c'est même plus du horreur. C'est de l'horreur porn. C'est pas très peur. Le premier saut, c'est pas de l'horreur gore. C'est vraiment. C'est un film un peu à la Seven, hein, le premier saut. Oui, sur les choix cornéliens. C'est pas Fincher. C'est pas... Non, mais c'est pas Fincher, d'accord, mais dans le traitement de l'horreur, c'est un peu la même chose. On est plus sur de l'horreur psychologique, sur les choix que tu dois faire. Bien sûr. Là où après, il a bien sûr les autres. Là, c'est le seul qui retiendra. Mais les autres, après, oui, évidemment. Mais le premier saut, c'est pas mauvais. Mais t'es pas devant la suite. Même devant des Conjuring ou des trucs comme ça. Et donc, Hereditary, avec des acteurs qui vraiment je ne les connaissais pas du tout. Mais de manière générale, on est sur des choses où j'avais vraiment l'impression que. Enfin, après, je sais pas si. Je pense que mon expérience a été aussi pas mal influencée de par mon état. De nos conforts dans la salle de cinéma, c'est assez fascinant ce côté où justement où je regarde quelque chose qui me met pas forcément dans un bon état, mais j'ai envie de voir le bout de l'histoire parce que c'est un moment donné, principe. Voilà. Ouais. Et bon, bref, j'ai arrêté de parler du contexte. Maintenant, le film, l'univers qu'a créé ce réalisateur, les mises en scène, etc. C'est quelque chose de ma foi fort intéressant et je te laisse en parler parce que je crois que tu en as parlé déjà dans le. Est-ce que j'en ai parlé dans CQLB? Je crois que j'en ai parlé dans le podcast Contient Game. Hérédité, c'est un film qui raconte l'histoire de la famille Graham qui vient de perdre en fait la grand-mère, donc qui est la matriarche, et qui c'est dans un petit village, hein, donc tout le monde se connaît et voilà, il y a plein d'amis, donc tout le monde vient à ses funérailles et il s'avère en fait que cette famille, à partir du décès de la grand-mère, va commencer à connaître des phénomènes un peu surnaturels, un peu étranges dans leur vie chacun. Donc la mère essentiellement qui a deux enfants, une petite fille et un adolescent. Mais on n'est pas dit comme ça, on pourrait croire que on est sur un délire de fantôme apparaissant qui commence alors à perturber. Oui, mais en fait, non, on apprend au fur et à mesure. C'est bien ce que je dis, c'est que le film te vend un truc fantomatique, un truc de hantise, de fil de maison hantée ou que sais-je. Mais ça, je sais pas si c'est. Je sais pas si c'était une stratégie volontaire du réalisateur. Oui, je pense. De mettre la com sur quelque chose qu'on s'attendrait à quelque chose de très classique. Que c'est ça. Là où ça ne l'est pas du tout, en fait. On est surpris. Je pense que dès le début même du film, même pas que dans la com, c'est que dans le film. Tout début, dès que la personne meurt, la vieille meurt, enfin on la voit pas mourir, ça commence au funérailles, hein, le film, et voilà, la maman rentre chez elle et elle va dans son studio de travail parce qu'en fait son boulot elle est maquettiste, elle fait des miniatures de maisons, de reproduits, des trucs. C'est une idée qui est implémentée à la réalisation. Et en fait elle éteint la lumière de son studio en partant et elle croit voir le fantôme de sa mère, donc tout de suite on te met dans le délire, en fait c'est la maman, c'est la grand-mère qui va hanter la famille pour Dieu seul sait quelle raison, mais pas du tout, c'est pas du tout ça. Et le film est incroyable, en fait, de patience sans que tu t'ennuies. Oui, moi je suis encore un peu mal du film, hein. il m'a un peu mis mal et le réalisateur il a voulu montrer un sacrifice du point de vue de l'agneau, en fait, sacrifié. Oui. C'est ça tout le jus du film, selon lui. Et c'est aussi une mise en abîme par rapport à ce qu'on disait, c'est que la toute première image du film, hein, c'est la caméra qui est sur une cabane sur un arbre, une cabane fabriquée, voilà, bien construite, comme celle qu'on rêvait quand on était petit, quoi, tu vois, d'avoir. Et ensuite, la caméra, on voit bien que la caméra est dans une chambre en fait qui filme le jardin et donc la cabane. La caméra bouge, fait un travelling vers en fait une miniature au milieu de la pièce, donc de la chambre, d'où la caméra est posée. Elle filme une miniature qui est en fait la maison. Et ensuite, la caméra rentre, et quand les bords en fait le cadre rentre dedans, rentre dans la chambre, hop, les acteurs se mettent en marche. Donc tout de suite, tu as cette image de un peu de scheme, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de plans rudement menés, paramètres. J'ai vu que le réalisateur justement, ils ont dû avoir un budget assez important pour faire ce genre justement de mise en scène, parce qu'ils ont dû recréer totalement les pièces pour pouvoir les refaire, ce genre de scène où en fait il y avait pas de mur en fait, maladroit. Parfois c'est très maladroit. Et en gros en fait ce qui a permis notamment de pouvoir faire ce truc là malgré le budget, c'est qu'en fait les producteurs avaient une assez bonne confiance envers le réalisateur. Le réalisateur qui est d'ailleurs Ari Aster. En fait, ils avaient pas mal confiance en lui parce qu'apparemment c'est un psychopathe de la préparation. Il a tout préparé largement en avance, chaque micro détail. Ouais, j'imagine. Parce que c'est très détaillé comme film. Exactement. Et ça se ressent. Et vas-y, je t'en prie, continue. Et ouais, je disais que voilà, ça rentre dans les bords du cadre et ensuite là, les acteurs se mettent en marche. Donc, on a l'impression que c'est l'histoire va se dérouler en fait du point de vue de quelqu'un qui a tout prévu déjà depuis le départ. Ouais. D'où le délire de en fait au-dessus dans le lignage. Moi, c'est et, film. Moi, vas-y. Vas-y. Et en fait, c'est surtout un film sur la famille. Sur les torpeurs en fait que peuvent traverser une famille dans la perte de quelqu'un, parce que très vite, c'est pas un spoil, très vite ils vont reperdre quelqu'un en fait dans le film, et ça va être un élément déclencheur en fait de tout ce qui va se passer par la suite. C'est un film sur les non-dits en fait qui mènent à des choses irréparables au sein d'une famille, c'est-à-dire quand t'as pas parlé à ton père, des choses qui transmettent de génération en génération, etc. Quand t'as des mauvaises relations avec ta famille qui durent trop longtemps, ou des choses que tu ne dis pas, que t'en veux à ta mère ou ton père ou tes enfants, et que ça dure trop longtemps, que tu grandis avec et que tu ruines, au final c'est quelque chose qui devient irréparable. Ça s'imprègne en fait, c'est ça. Et comme je disais tout à l'heure, quand Camille était encore là, le délire de la... Hein Cam. Depuis tout à l'heure, vous l'appelez Camille, bah, c'est Cam. Je sais pas, ok. K-A-M. Ah d'accord, ok. Voilà. Ah ok. Non, ok, bon ça. Écoute, désolé. C'était pas diminutif. Désolé. Ah, ça s'appelle Cam. Ouais, ça s'appelle Cam. Ok, super. Ah ouais, on va prendre ce qu'on est. Et quand elle était là, je disais que le personnage principal, c'est quelqu'un qui... C'est comme une ombre qui plane. Bon, en fait, c'est la grand-mère qui est une ombre qui plane. Bon, j'en rêvais pas plus, mais elle est au centre de l'intrigue, en fait. Et en fait, à la fin, tu te rends compte qu'elle est vraiment au centre du truc. Ce film a fait un truc que peu de choses me font. Parfois les jeux vidéo, parfois des séries ou des bouquins. En fait, à la fin de telle œuvre, en fait, ça me pousse à en savoir davantage en fait sur le lore quelque part. Où en gros, je fais des recherches, j'essaie de comprendre des explications de ce qui s'est passé, etc. Avoir des détails pour voir si j'ai raté quelque chose. Et du coup, j'ai fait ça. Et je suis content. J'ai capté la majeure partie des choses. Mais il y a quelques détails qui du coup m'ont permis de me dire ah ouais, quand même, effectivement, on est sur un sous-texte présent tout du long en fait. Il est là depuis le début. Mais et c'est pas parce que on a vu les ficelles. Oui. Que ça enlève en fait au truc. Souvent, dès qu'on, c'est bien le cas dans les œuvres de fiction, dès qu'on sait que quelque chose est prévisible, tout de suite le sel est balayé. On n'a plus trop envie de voir la fin, on s'en fout, on sait qu'on voilà. Et là, j'avais compris au bout d'un moment qu'il se passait certains trucs qui n'étaient pas ceux qu'on voulait me présenter au départ, mais je voulais voir la fin. Et justement, en fait, tout le film. Le pinacle en fait du film réside dans le final qui est fort, quoi. C'est un final presque poétique en fait, qui est dérangeant et c'est vrai que le film et qui laisse pas trop le temps de respirer. Non, t'es vraiment mis mal. C'est justement le commentaire que j'avais cité plus tôt là, qui avait mis une étoile qui critiquait ça justement sur le fait qu'il se passait rien pendant une heure. Ouais. Là, je suis pas d'accord. Il se passe des choses. Il se passe plein de trucs. Quoi. Mais c'est juste que le rythme propre au film n'est pas celui auquel on est habitué de manière générale. Et lorsqu'il prend une accélération, on la ressent, quoi. C'est pas on voit qu'il y a une accélération, mais on est toujours dans notre siège. Là, on est vraiment dans l'accélération, on n'arrive pas à respirer. Ouais, pendant une heure et demie, en fait, on t'aiguise le couteau devant le visage. Exactement. C'est ça. Et pas à la dernière les derniers quarts d'heure, on te le passe sous la gorge, quoi. Parce que c'est vraiment c'est un des films les plus terrifiants que j'ai vu de ma vie. Et franchement, je veux pas faire le daron, quoi. Voilà. Enfin, voilà, entre nous. les films d'horreur en général, voilà, c'est quand ça vire rarement, ça vire bien trop souvent dans le grotesque. Ouais. Du coup, dès que tu vois ça, tu fais voilà. Et là, il y a des moments grotesques dans le film. Il y a notamment au moment où tu y a un plan sur le truc dans le désert. Ah, oui. C'est un peu grotesque. Ouais. Le moment où, et aussi Guillaume en parle beaucoup dans CQLB, le délire des réalisateurs qui font des cadrages qui ne peuvent pas exister dans la vie. Genre, voilà, une caméra qui virevolte dans tous les sens et qui n'existe pas, et c'est contre-productif. Là, il y en a quelques-uns, bon, c'est pas gênant, il y en a un qui est un peu glaçant. Il y en a un moment dans la voiture. Je sais pas si tu vois, dès qu'à un moment, il y a un truc qui se déclenche avec le rétro, là, t'as vu. Et en fait, c'est pas possible. Non. Tu vois, c'est pas possible en fait d'avoir cette vision dans le rétro. Oui, mais c'est des facilités. C'est pas une facilité, c'est une figure. C'est de la stylistique, je pense. Oui, voilà, c'est ça. Parce que le truc est flippant. C'est nécessaire pour. Voilà. Voilà. Et il y a ça, et il y en a celui-là qui est très bien, et un deuxième où à un moment la caméra descend. Voilà, il y a le cercueil qui descend là. La caméra descend, et tu. Voilà, t'as la mode de terre avec le découpage en fait. Tu vois, elle descend dans la terre en même temps, et tu vois bien les coups de pelle. C'est qui ont mis, donc ouais, c'est un peu chimique, mais bon, c'est pas grave, je veux dire, c'est pas grave. Et l'acting du film est ouf. Toni Collette, là, la mère, ouais. Oh là là, elle traverse dingue. tous les moods. Ça, son niveau de tension a dû exploser à la fin du tournage, hein. C'est... laisse tomber là, bah, à la fin t'as bien vu que Non mais là c'est génial vraiment. J'ai trouvé ça j'ai trouvé que ça a réinventé l'horreur en fait. Il y a quand même un membre de la famille, je le plains. Il a rien demandé. Le papa, bah ouais, c'est Gabriel Byrne, hein, qui est l'un des seuls acteurs vraiment connus du film. Et c'est aussi le producteur. Ouais. Et acteur irlandais. Hein, mais par contre, alors du coup, elle est présente dans l'affiche et majoritairement dans la bande-annonce. La petite fille. Qui en fait, non. Qu'en fait, c'est pas. On te, on te la met en avant comme étant un élément dérangeant. Ouais. Comme certains films. Là, rappelle-moi, Guillaume, j'ai oublié. Tu sais, les films où il y a des enfants qui étaient un peu étranges. Il y a un film français un peu comme ça. Tu sais, avec une gamine qui fait un peu peur, là. J'ai oublié comment ça s'appelait. C'est un prénom. Il est sorti dans les années 2000. Pas Louise. J'ai oublié comment il s'appelait. Tu sais, un film, et même l'affiche, c'est une gamine. Esther, peut-être, non? Ah ouais, c'est ça, ok. Je pensais que ce soit français. Mais... c'est pas français. Tu vois, ah oui, c'est pas genre, c'est une adulte. Genre la malédiction. On te met une gamine et celle qui va te faire flipper. Véronica, par exemple, le dernier. Resident Evil, le film. Voilà. On te met une gamine et en fait, elle a une tête un peu chelou. On va jouer un peu sur son attribut. Shining et une gamine. Bah, les jumelles. Ouais, les jumelles, ouais. Mais elle est vraiment au premier plan, tu vois. En mode, c'est elle. Fier, le jeu. Mais c'est vrai qu'elle a une tête. Étrange. Ouais. Oui. Elle n'a pas une tête commune, on va dire. C'est pas la petite fille de tout le monde. Et oui, mais du coup, non. En fait, c'est un attrape-nigo. C'est-à-dire que c'est une gamine comme une autre. Encore une fois, dans le schéma dont tu parlais tout à l'heure. Dans le scheme hérédité. Voilà. Hérédité, voilà. Le titre est très bien choisi. L'hérédité. Voilà. Ah, l'hérédité sale. Ouais. Mais après, tu vois, quand même en petit truc grotesque que moi je pourrais noter, c'est encore une fois souvent la thématique fréquente du patelin perdu au milieu des États-Unis, avec des gens qui paraissent être très normaux, oui. Ou alors conservateurs machin dans leur région et tout, et en fait non, ils sont totalement dans un autre délire étrange qui on ne sait pas d'où il sort. Ouais, bah. un peu étrange. Moi ça m'a fait ça aussi avec Get Out, où en fait justement on est sur la surface, c'est quelque chose, une vie normale, et en fait en sous-texte, en caché, on est sur une ville avec des gens qui partagent communément un truc assez incroyable. C'est vraiment moisi. C'est pas comme là, mais là on est sur une idée. Mais après, je pense que même ce fait là, ce que je trouve un peu grotesque, bah en fait il peut justifier justement encore une fois par le titre du film, où justement c'est quelque chose qui se transmet. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui date d'hier, quoi, très certainement. Il y a des poncifs, le délire des gens qui ne paraissent pas ce qu'ils sont, mais au moins c'est pas perdu dans le sud de redneck, quoi. C'est non, voilà, c'est jamais gore, tu sais. Voilà, c'est non, vraiment j'ai trouvé ça vraiment très rudement mené. Et le son, oui, la musique. Il y a un élément que j'ai grillé dans la musique, mais que je ne peux pas dire, c'est du spoil, l'utilisation de trompettes. Il faut savoir que les trompettes, hein, dans la religion chrétienne, c'est quelque chose de très démoniaque, très ça annonce la. Et ça, encore une fois, c'est très malin. C'est extrêmement malin. Il y a ce passage, et là, voilà. Tu dis waouh, ah ouais, bah oui. Mais là, du coup, ça fait. Bon, je t'ai déjà entendu en parler dans CQLB, mais j'ai toujours pas compris. Qu'est-ce qui fait peur alors du coup dans ce film? Qu'est-ce qu'il y a de flippant? Je comprends pas en fait. J'arrive pas. C'est en fait c'est... Tu veux que je te dise, quand on te... Vas-y, Ismaël, non, pardon. Moi, ce qui m'a fait... Bon, évidemment, il y a des choses assez classiques qui font peur, c'est-à-dire que des gens qui marchent sur les murs ou des trucs comme ça. Mais moi, c'est vraiment une sensation que, arrivé à un certain moment, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une présence qui est là, tout du long, qui sait ce qui se passe. Enfin, c'est très particulier. Moi, j'arriverai pas à le définir, pour être tout à fait franc. Moi, je t'avoue que c'est ce qui m'a vraiment fait flipper, c'est le sentiment d'impuissance. Oui, voilà, voilà. Tu vois, des personnages. C'est-à-dire que, t'as vu, dans les films d'horreur, en général, il y a embrouille, horreur, faut trouver une solution, on trouve la solution, peut-être qu'on va s'en sortir. Voilà. Bah là, non. À un certain là, il y a montée en puissance, et en fait, il se passe des trucs que tu piges pas, jusqu'au moment où tu te fais, voilà, c'est zigouillé, et c'est la fin. Et quand tu crois piger... Et quand tu crois piger, en fait, t'as rien capté. Et en fait, tu te fais avoir, voilà. Pas nous, hein, mais je veux dire le personnage, mais du coup c'est transmissible, tu vois, c'est le pathos. Du coup, on pourrait se dire que le film est sur autoguidage, quoi, en fait. Les personnages n'ont pas trop d'impact sur les événements. Les personnages ne font absolument rien de significatif, ouais, pour le scénario. En fait, ils sont victimes de tout ce qui se passe. Ouais. Oui, exactement, c'est tragique. Ouais, c'est vrai que moi, ça... bah, tiens, c'est une bonne chose que tu me disais, ça me fait penser aux tragédies grecques où en fait ça se termine forcément mauvais. Ouais, ça parle de famille. Voilà, je te dis, c'est un sacrifice, tu vois, le sacrifice du point de vue de l'agneau. L'agneau, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va se faire tuer, bah là, c'est pareil. Et la fin, c'est le sacrifice. La fin, tu te fais trancher la glotte. Non, c'est vraiment un gros film. C'est vraiment, s'il y a un film d'horreur à aller voir cette année, c'était ça. Il n'y a pas d'embrouille. Hein. Voilà, c'est... Bon, il y a Sans un bruit, qui c'est pas vraiment un film d'horreur, mais bon. Mais bon, voilà. On en reparlera peut-être la semaine prochaine, vu qu'il est sorti. Si on a le temps, sachant qu'il va y avoir beaucoup de jeux. Je pense qu'on prendra quand même un minimum de temps. Un peu de temps, parce que c'est quand même un très gros film aux États-Unis. Les États-Unis, ils ont beaucoup parlé. Il y avait une attente ici, et là, maintenant, bah, moi, je l'ai vu tout à l'heure. En tout cas, moi, pour terminer sur Hereditary, je dirais que ça fait deux nuits que je dors 4 heures. Bah je t'ai dit, là, moi, en général je dors comme un lapin, hein, enfin je veux dire tranquillement, mais là j'avais quelques, dès que j'éteignais la lumière j'étais pas bien. Et Dieu sait ce qui se passe quand la lumière est éteinte dans la baraque d'Hérédité. Ah oui, il se passe pas des trucs que t'as envie de vivre. Ah non, t'as pas envie de voir les yeux. Non. Écoutez, bah sur ce, il est déjà 20h24, c'est fou. J'espère que vous avez pas d'autres trucs prévus parce que on se libère pour. Bah écoutez, merci de nous avoir écoutés. Merci Sofiane, merci Guillaume. Merci. Vous êtes les avant-derniers à avoir rejoint l'équipe et vous êtes les derniers à partir. et ça c'est cool. Il y a encore la semaine prochaine. Il y a encore la semaine prochaine. C'est encore là, la même heure, encore une fois. Faut que je vous parle d'un truc après en off. Et puis, bah écoutez, j'espère que l'émission vous a plu, à ceux qui nous écoutaient. Ceux qui nous écoutent. ENT. Pourquoi je ne parle plus français? Je ne sais plus. C'est la fatigue. C'est Hereditary. ça m'a brainfuck. Voilà. Écoutez, merci à vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous pour la dernière de la saison. Yes. La bise. Écoutez CQLB. Écoutez CQLB. Écoutez CQLB. Alors, juste, je vais essayer d'éteindre. Là, ça tombe tout seul, le truc, ou... Non, en fait, il faut que je le débrouille pour éteindre. Alors. Il faut que je vous parle d'un truc après. Alors moi j'aime pas les biscuits secs, vous savez pas. C'est quoi sec? Non mais j'aime tu pas les donneras à l'aise. Bon, c'est très grave.